Bonjour et bienvenue dans les Clés du Succès, l'émission qui raconte l'histoire secrète des chansons. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles anecdotes. Pour cette nouvelle histoire, je vais me consacrer à une des chansons de Christophe Maé, C'est ma terre. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas, c'est mes frères autour de moi. Chanson de l'été 2008, C'est ma terre permet à Christophe Maé d'inscrire un nouveau tube à son répertoire et d'aborder un sujet d'actualité, l'écologie. Découvrons l'origine de ce titre qui a pris toutes ses dimensions grâce à des chœurs africains. Révélé dès le mois de septembre 2005, grâce à son rôle du frère de Louis XIV dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprête, si tu veux qu'on s'apprête. Christophe Maé et sa voix au timbre si singulier sont devenus en quelques mois des valeurs sûres de la chanson française. Même si l'ascension de Christophe Maé semble avoir été rapide, son succès est surtout le résultat d'une farouche persévérance et d'un long apprentissage acquis en chantant près de 10 ans, l'hiver dans les clubs des stations de ski et l'été dans les bars de la Côte d'Azur et de la Corse. En pleine tournée du Roi Soleil, face à l'engouement du public pour les prestations acclamées de Christophe, la maison de disques demande au jeune artiste de préparer un album solo. Entre deux représentations du Roi Soleil, Christophe Maé se met donc au travail. Avec des amis compositeurs, il crée des morceaux fidèles à ses influences, la soul, le reggae et le blues. C'est avec le guitariste corse Jean-François Auricelli, rencontré quelques années plus tôt, que Christophe imagine sur sa guitare fétiche une musique gaie et chaloupée, très esprit, vacances et été. Comme il l'a fait pour d'autres titres, Christophe demande ensuite au célèbre parolier Lionel Florence de trouver un texte pour habiller sa mélodie. Lorsqu'il reçoit la nouvelle musique de Christophe Maé, Lionel Florence songe immédiatement à Yannick Noah. Il trouve que cette rythmique lui fait beaucoup penser à l'ancien tennisman reconverti avec succès dans la chanson. Oh, Angela, Angela, my home is your home. Oh, Angela, Angela, you know you never walk alone. Par association d'idées, connaissant bien les valeurs que défend Yannick, à savoir l'environnement et la lutte contre la xénophobie. Lionel écrit un texte qui aborde ces sujets et l'intitule « C'est ma terre ». Immédiatement, Christophe est séduit par ces thèmes universels et rassembleurs qu'il se sent très fier de défendre. Quelques semaines après le début de l'année 2007, Christophe Maé enregistre « C'est ma terre » au studio Apollo sur Aisnes, près de Paris, avec au clavier le célèbre ingénieur du son, Volodia. Au cours de cet enregistrement, Christophe a l'idée d'inclure sur ces matières des chœurs africains pour donner encore plus de dépaysement et de soleil à sa chanson. Ces matières fait partie des 12 titres du premier album de Christophe Maé. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Vous pouvez notamment retrouver On s'attache, premier single sorti en même temps que l'album le 19 mars 2007 qui se vend à plus de 1,5 million d'exemplaires. C'est seulement à partir du mois d'août 2008 que C'est ma terre déferle sur les ondes des chaînes musicales. Réenregistré en live dans une version acoustique avec un chant gospel. Les 18 et 19 juin 2008 sur la plage Santa Giulia en Corse. Le titre est choisi comme single pour promotionner la sortie du premier CD live et DVD de Christophe Maé. Véritable chanson de scène, C'est ma terre est devenue l'une des préférées des fans du chanteur. À chacun de ses nombreux concerts, Christophe l'interprète toujours après avoir délivré un message de tolérance à son public. Lors de son passage à Bercy, il a demandé à son Angolais préféré Bonga de venir chanter C'est ma terre avec lui. Le célèbre artiste africain a alors improvisé une très touchante version portugaise de cette chanson. Pour l'anecdote, C'est ma terre a donné son titre et a servi de générique à un programme court sur la défense de l'environnement diffusé sur TF1 du lundi au vendredi à 20h40. Pour la petite histoire, lors d'un concert au Zénith de Paris le 5 avril 2008, Yannick Noah, qui avait été l'inspirateur sans le savoir de C'est ma terre, est venu rejoindre Christophe Maé. Au bout d'une heure et demie de concert, ensemble ils ont chanté C'est ma terre dans une ambiance totalement survoltée. Voilà, c'est déjà la fin. Je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur vos tubes préférés. Salut. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas, moi c'est mes frères autour de moi. Mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas, non, c'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, c'est mes frères, mes sisters autour de moi. Alors que l'on n'y touche pas, que l'on n'y touche pas, non. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prend